qu'on se sature de couleurs et de pleurs, qu'on se douche de nos douleurs, puis qu'on s'éponge, qu'on se sèche avec nos bouches, avec nos songes, qu'on fasse craquer nos ossatures et sauter point par point nos agrafes, nos sutures, qu'on se sature de mots inusités, de gestes inadéquats, de nos yeux qui nettoient les pensées crucifiées par la pensée des autres. Ces désirs ordinaires qui parfois prennent l'air d'être les nôtres, par peur de démesure. Qu'on se sature, qu'à l'infini on s'enlace, même si c'est torture, qu'on se satisfasse, assidu sous toutes les coutures, nos cris de cristal pur diront la solution, l'exact endroit de la rupture, le point précis de la fusion où se déforment nos structures. Qu'on se sature comme on se noie, et puis qu'on voit s'il existait une ouverture vers de sublimes aventures.